J'entre sur la nationale 145. Réponse A. Sur l'autoroute 71. Réponse B. Je pourrais rejoindre Vichy. Réponse C. Clermont. Réponse D.